pour tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Bonsoir les amis, nous irons au pays, au pays de l'Élysée.